Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le Burundi occupe le poste de premier vice-président de l'Union africaine dès ce samedi. Ceci ressort de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba dès ce samedi pour deux jours. La coalition des syndicats des enseignants COSESONA rappelle que les activités politiques en milieu scolaire sont interdites. Il s'est exprimé ce vendredi en province Lomongue lors de la célébration de la journée mondiale de l'enseignant. Expulsion ce vendredi de la représentante du programme alimentaire mondial PAM au Burundi, confirme une source au PAM et comme accusation du gouvernement burundais, atteinte à la sûreté de l'État. Bienvenue. Isanganiro. Je vous le disais en titre, le Burundi occupe désormais le poste de premier vice-président de l'Union africaine dès ce samedi pour la période 2025-2026. Le président Évariste Ndayishimiye a été élu lors de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en sommet pour deux jours. L'Angola, à la présidence de l'Union africaine, va s'occuper de l'Afrique australe. Le Burundi, premier vice-président, s'occupera de l'Afrique centrale. Le Ghana, en tant que deuxième vice-président, va s'occuper de l'Afrique occidentale. Et la Tanzanie, en troisième position, s'occupera de l'Afrique de l'Est. Et la coordination revient à la Mauritanie. C'est un sommet auquel le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas participé suite à l'évolution dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre, Sibi Lawson Mariotte, représentante du Programme alimentaire mondial PAM, et Sarah Nguyen, la chargée de sécurité de cette organisation au Burundi, ont été expulsées ce vendredi 14 février selon des sources au PAM, mais non encore confirmées officiellement. Un message à l'interne sur des précautions à prendre par le personnel en temps de crise a fuité sur les réseaux sociaux. Parlons religion à présent. Sa sainteté le pape a nommé ce samedi de nouveaux évêques pour Rutana et Bubanza. Ainsi, l'abbé Leonidas Nitereka, actuellement vicaire général du diocèse de Bururi, a été nommé au diocèse de Rutana et le prêtre dominicain Emmanuel Nakarutimana, ancien président de la CNIDH, devient pasteur du diocèse de Bubanza. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La franchise, l'entrée et l'intégrité sont quelques-unes des valeurs qui devraient caractériser un leader en ces moments où le Burundi chemine vers la période électorale. À propos du président du conseil des Bashinganahe, dans une conférence de presse tenue ce vendredi sur l'auto-évaluation et les réalisations de l'institution des Bashinganahe au Burundi. Adrien Sibomana, président de cette institution, demande à ses leaders de contribuer pour que ces élections soient paisibles. On l'écoute. Si vous allez prêcher aux gens l'Ubuntu, si vous allez prêcher aux gens le culte de la vérité, le culte de la justice, c'est une contribution énorme, en tout cas très substantielle, dans la paix sociale, dans n'importe quel pays. Et cela, au Burundi, a toujours été le fait de Bashinganahe et d'autres gens qui sont proches d'eux, qu'on pourrait dire à la Gabo, les gens qui ne sont pas nécessairement des Bashinganahe, mais qui reconnaissent ces valeurs et qui les mettent en pratique. Sur le rôle que peut jouer Bashinganahe dans la situation où le Burundi chemine vers la période cruciale des élections. Vous ne pouvez pas faire des élections s'il n'y a pas la paix sociale. C'est pour cela que nous demandons aux Bashinganahe partout où ils sont de contribuer à cette paix sociale pour que les gens qu'on élise soient des gens paisibles, des gens qui vont contribuer au développement de notre pays, mais surtout pour que ces élections se fassent sereinement. et la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale COSESONA de Rumonge demande au leader politique d'éviter la politisation des milieux scolaires pour ne pas distraire les apprenants à la veille des élections au Burundi. On appelle d'Ile-de-France Ndayizeye s'exprimant au nom de la COSESONA ce vendredi lors de la célébration en commune Rumonge de la journée mondiale des enseignants. Le gouverneur de cette province est de cet avis, appelant les élèves inscrits à aller seulement voter les jours des scrutins. Le point avec Jean-Pierre Misago. Dans son discours de circonstance, Ile-de-France Ndayizeye, s'exprimant au nom de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, fait remarquer que la célébration de la journée mondiale des enseignantes et enseignants en commune scolaire de Rumonge intervient à l'approche de la période électorale au Burundi, des élections dans lesquelles tout Burundais en âge de voter est appelé à participer. Cependant, cela ne doit pas être une occasion de paresse ou encore placer au second plan la profession enseignante chez les enseignants, avertit Ile-de-France Ndayizeye, arguant que façonner l'humanité est pérenne, même après les élections, ne durant que quelques jours. Ce représentant syndical déplore que dans certains établissements scolaires non précisés, des activités politiques s'y opèrent sans inquiéter les responsables scolaires, alors qu'il s'agit là de la distraction des élèves aboutissant à des échecs scolaires. Ile-de-France Ndayizeye appelle à l'arrêt immédiat de ces activités là où elles se font toujours, rappelant que les écoles sont des milieux apolitiques. Même son de cloche chez Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, qui demande aux élèves de ne pas se laisser entraîner dans la politique, de bien gérer leur temps, se concentrer aux études et aux inscrits d'aller seulement voter le jour venu. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. La mesure exigeant toute une année d'allaitement pour un élève ayant mis au monde devrait être revue pour aller au moins à 6 mois. À propos de Cassien Gachirahamwe, vice-président de la coalition Éducation pour tous, Fachibigue, au terme d'un atelier d'échange de ce vendredi en Ngozi sur la situation des grossesses non désirées en milieu scolaire. On l'écoute. Nous avons échangé plus particulièrement pour les violences basées sur le genre, ici dans les 4 provinces, mais aussi d'une manière générale. Nous trouvons qu'à travers les données que nous disposons, que ces violences existent encore ici au Burundi, même au niveau du monde, et beaucoup plus au niveau de l'environnement scolaire. Nous avons alors voulu échanger sur ce qu'il faut faire pour limiter en fait ce fléau, surtout au niveau des grossesses en milieu scolaire. Parce que nous avons trouvé que dans cette région, beaucoup plus particulièrement en province de Kayanza, où le nombre de grossesses en milieu scolaire est plus élevé par rapport aux autres provinces, qu'il faut faire quelque chose en tout cas. Il faut des stratégies. Nous avons trouvé plus particulièrement qu'il y a des enfants, surtout les filles qui sont engrossées. Dans le règlement scolaire, en son article 70, où on parle que l'enfant doit passer toute une année d'allaitement de son enfant. Nous avons trouvé que si cet enfant passe une année, il est fort probable qu'il passe 3 années scolaires en dehors de l'école. Alors nous lançons un appel et nous faisons le plaidoyer pour en fait que ce temps soit réduit au moins à 6 mois. Sinon, en fait, nuancé, même jusqu'à moins de 6 mois pour celle qui sera capable d'aller à l'école sans problème. L'association ABDD Mouzimani Katihabwa appelle le gouvernement burundais à privilégier le dialogue avec les médecins afin de connaître les causes du départ répétitif des médecins burundais vers l'étranger. Ceci a été dit ce vendredi par le président de cette organisation dans un panel avec l'association Memisa Belgique. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des malades célébrée le 11 février de chaque année et organisée par l'Église catholique. Pierre Nindere, représentant légal de cette association, appelle le gouvernement burundais à résoudre ce problème des médecins car sans lui, ce départ bafoue les droits des malades. Le point avec Alexis Daising. Parmi les questions soulevées au cours de ce panel figure la question de départ des médecins burundais vers d'autres pays. Pierre Nindereye, représentant légal de l'Association burundaise pour la défense des droits des malades, trouve qu'un dialogue relatif est nécessaire pour y remédier. L'association ABDDM est préoccupée par le départ massif des médecins qui vont travailler à l'étranger alors que nous avons besoin des médecins spécialistes. C'est pourquoi les autorités habilitées doivent se soir ensemble avec les médecins pour trouver une solution durable, car le départ de ces médecins est la perte pour le pays. Edouard Nkurunziza, représentant légal de l'organisation Memisa Belgique, a lui aussi indiqué que cette question devrait interpeller tous les partenaires de ce secteur et qu'il s'impose d'en trouver une issue favorable. C'est une question très importante. Ce que nous pensons, c'est que le gouvernement se penche sur cette question. Nous demandons que les autres activités et suggestions différentes soient menées pour couper court à ce phénomène. Certaines des recommandations soulevées au cours de ce panel figurent la mobilisation du peuple pour qu'il adhère massivement les mutualités de santé. La journée mondiale des malades est célébrée il y a déjà presque 30 ans. Toute femme ou fille du mouvement guide devrait suivre ce que prônait Baden-Powell, fondateur du mouvement, à savoir tâcher de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. On appelle de Nadege Niung, coprésidente du mouvement guide lors de la célébration ce samedi de la journée mondiale dite de la pensée qui coïncide avec l'anniversaire de naissance du fondateur de ce mouvement. On l'écoute. La journée internationale de la pensée, c'est la journée où nous nous souvenons de notre fondateur, mais aussi de son épouse, Baden et Olaf Powell. Nous, chez les guides, la journée internationale de la pensée, c'est une journée qui nous permet de nous mettre ensemble pour penser, reconnaître ce que nous avons promis lorsque nous avons fait notre promesse, de dire nous sommes appelés à faire la bonne action quotidienne, nous sommes appelés à être des guides, des lumières là où nous vivons, dans nos communautés. C'est la journée où nous nous réunissons d'abord, nous retrouver, mais aussi pour faire notre promesse et nous rappeler de ce que nous avons promis devant Dieu et devant les hommes. Alors, Baden-Powell nous a donné comme recommandation de tâcher de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que nous l'avons. Alors, c'est dans cette optique que les guides de Bujumbura, mais aussi les guides de tout le territoire du Burundi, nous avons pensé à faire une bonne action et nous associer à nos communautés, au gouvernement entièrement, pour embellir nos villes. D'abord faire la propreté, mais aussi pour nous, pour les générations à venir, pour les touristes, mais aussi pour honorer ce dicton qui dit que nous devrions rendre meilleure la terre que nous l'ayons trouvée. Les filles de la commune Gasogwe en province Muyinga sont sensibles au sport, confirme Ingrid Kamusoni, secrétaire exécutive de l'Association pour la promotion de la femme au Burundi APFB. C'est au moment où l'ONG Play International a organisé ce samedi en commune Gasogwe de la province de Muyinga différentes activités sportives à l'endroit des jeunes filles dans le cadre du projet Toutes en sport. Une information que nous devons à Évariste Nzikobanyanga. Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui assurait la mise en onde. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Ndouiman. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Un cas de fièvre de la vallée du Rift détecté en commune Musigati rapporte l'agence burundaise de presse des sources du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Selon cette source, cette maladie bovine a été détectée chez un éleveur de la colline Rousse-Kabouye le 11 de ce mois. Le jour suivant, la vache était morte. Les responsables du BPAE Bubanza appelle les éleveurs au renforcement des mesures de prévention comme l'hygiène et la limitation des mouvements du bétail et de communiquer en temps réel chaque fois que des symptômes se manifestent, puisqu'un animal atteint par cette maladie meurt dans 24 heures si rien n'est fait. Ne pas passer de l'hospitalité à l'hostilité, titre le journal Iwachu dans son éditorial pour cette semaine, référence faite à l'afflux vers le Burundi des Congolais qui fuient la guerre dans les provinces du Nord Kivu et Sud de Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans une enquête menée par le journal Iwachu, une brouille s'invite entre les propriétaires des maisons et leurs locataires. Quelquefois un mal d'honorer leurs engagements. Les Congolais qui arrivent en masse, surtout à Bujumbura, la capitale économique, viennent avec des dollars, aujourd'hui convoités, et à la vue des billets verts, certains propriétaires n'hésitent pas à chasser leurs anciens locataires, souvent débiteurs. Une situation qui commence à réactiver pour certains citadins l'angoisse latente d'être envahi par l'étranger, d'être dépossédé de leur lieu de vie, de leur être le plus propre, constate son confrère. Sans mettre en cause le droit d'asile, l'éditorialiste de cet hebdomadaire estime qu'il est plus prudent de s'investir pleinement dans cette affaire en mettant des camps d'accueil des Congolais, les recenser, suivre leur itinéraire de voyage, leur futur point de chute, etc. Bref, conclut son confrère, on doit éviter de passer de l'hospitalité à l'hostilité. Le ministre Venuste Muyabaga les croyait au service, mais hélas, son constat est amer, rapporte la voix de l'enseignant. En effet, explique ce journal, après avoir visité certains services des différents ministères aux alentours de ses bureaux, notamment au ministère de l'Éducation, celui du ministère de l'Intérieur, dit Grand Bureau, à la Cour suprême et le Tribunal du Travail, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi se dit scandalisé par ce qu'il a constaté. Un problème de ponctualité généralisée dans les différents services visités. Le ministre Muyabaga ne cache pas sa consternation et sa déception face à cette situation, poursuit son confrère. La voix de l'enseignant souligne qu'il a insisté sur la nécessité d'entreprendre des actions de sensibilisation auprès des fonctionnaires de la capitale économique afin de promouvoir le respect des horaires de travail et d'améliorer la discipline dans les services publics. C'est à lui de prescrire des médicaments appropriés car il a déjà diagnostiqué la maladie, conclut cet hebdomadaire de l'Éducation. Revue de la presse. Les silos de Gitega à l'abandon, l'autre éléphant blanc, s'exclame un blogueur du collectif Yaga. Construit il y a plus de 30 ans sur la colline Rukoba par la Société burundaise d'entreposage et de commercialisation des produits vivriers Sobekov, ces silos modernes, autrefois symboles d'une politique agricole ambitieuse, ne sont plus aujourd'hui que des épaves à l'abandon, constate amèrement ce blogueur, qui précise qu'avec une capacité de stockage de 25 000 tonnes de céréales, dont 12 000 tonnes de stock rotatif et 13 000 tonnes de stock permanent, ces infrastructures étaient censées nourrir 600 000 personnes pendant 2 mois en cas de disette. Rappelant qu'ils ont nécessité un investissement de plus de 400 millions de francs burundais de l'époque, à peu près 9 milliards à la valeur actuelle du franc burundais, ce blogueur du collectif Yaga fait remarquer que les silos de Gitega sont le symbole d'un échec criant de la gestion publique et d'un gaspillage colossal de ressources, et de conclure que sans une réforme profonde de la gestion publique, les silos de Gitega resteront un rappel douloureux des opportunités perdues et des rêves brisés. On termine cette revue de presse avec l'agence NetPress qui nous rapporte des arrestations dans les hôtels Arumonge. Il s'agit de 4 ressortissants ougandais arrêtés ce vendredi matin dans un hôtel dans la localité de Magara, en commune Bugarama de la province de Rumonge. Jeudi, 5 personnes originaires de la province de Cibitoke avaient été arrêtées dans un hôtel dans le quartier Birimba de la ville de Rumonge, alors qu'elles s'apprêtaient à se rendre en RDC en passant par le port de Rumonge, précise Net Press. Ce quotidien en ligne note que ces arrestations sont opérées dans un contexte d'insécurité dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.